Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow. Les MC Sky, les MC Style, quand je pars en freestyle, cash qui grave comme sur la East Side, Trisman et Rakai, Kayas la ficaille, on mène la zig rail sur Sky pour qu'ils se calment. Mais la jeunesse, les rails, du shit ou du Sky, des roues, des rails, des filles ou de la maille, défoncer toute la night. Ah, au milieu de tout ça, moi j'ai pris le mic. Ah, les débiles sont des guides, devine qui fait le strike. Big Flow est dans la place, et crache des flammes, le son est fat, des watts, des casse, des watts, éclate des crânes. C'est le micmac, les MC quittent l'endroit. Repose le mic, mec, Big Flow l'a pris avant toi. Les marages, la ravale, je balance les. Je fais des ravages graves et des cravages sur mes tracks et je traque tous les gars qui bavent sur mon rap. Les attrape, leur fracasse, le crâne à coups de matraque. Pourquoi tu parles, moi quand je rappe, je ne crains personne. Car dès que je prends le mic, je suis Michael Jackson. Tout le monde se demande mais ce qui c'est qui débite les rimes graves. Des gimmicks, des mignes sales, tout l'équipe des débiles se taille. J'ai des milliers de rimes, c'est mimi, ils m'imitent, ils minimisent le mythe, puis ils m'élitent et les éliminent. J'ai mis des mines, domine les mythes, ma mine, mis les imis, les MC sont mine, épine et c'est unanime. Ok, moi je kiffe parce que je kiffe ça. Hasta la vista, tous les MC assistent. L'histoire, avise-toi, on arrive qui veut que je te dise quoi. Et tous les connards qui parlent d'Oli sont sur ma liste. Moi je suis comme un ouragan parce qu'on faisait du lourd avant. On prenait le mic, on faisait des claques et on faisait ça couramment. Ha. Les rappeurs ne pensent qu'à se taper. Ils parlent, ils clashent mais ils oublient de rapper. Ok, mon frère c'est mon clone, tu peux l'appeler Dolly. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Et je les entends qui rigolent tous même si alcoolique. Big Flow et son acolyte, ils sont plus clean que des catholiques. On vient griller vos tubes catholiques, brûlez vos tories. Vous êtes molly, pas nous sous-estimer, on vous l'a trop dit. Avoue que c'est comique comme un homme qui picole atomique. Que je dégomme les connes, je donne c'est promis. C'est Big Flow et Oli, dis-moi si t'as suivi. Je préfère avoir peu de vécu que m'inventer une vie. Le rap fait pitié, je sais pas ce que t'en penses. Si on est derrière toi, c'est qu'on a déjà un tour d'avance. Ça facile, c'est qu'on m'a commis d'office. Ah, ça sert du chromis, j'opprime. C'est Oli le kitsch, liquide, c'est pop deep. Depuis qu'on m'a remis le titre, j'm'obstine. Oli de la ville au stylo, au style. Aussi, artiste, clique vite et profite. Loin de ces égoïstes autistes, ton profil horrible. Arrête tes stories débiles, au chromis, j't'ai godi. J'ai vu tes clips pathétiques, ton rap stérile dérive, c'est comique. Y'a le fond, la forme, je sais con, j'assomme. Bon, d'accord, je jongle avec le son, c'est fort. Le monde donne même une leçon, c'est donc un comble en sorte. Et si quelqu'un rappe mieux que moi, mais dis-moi comme la porte. J'm'applique et j'kick comme il est satique. Classique comme Nas, elles disent qu'il m'indique. Technique, bread beat, le rap est magique. Panique, les critiques gravitent, mais le public s'agite. Dans leur lancée, je fais des clins de les yeux grands ouverts. Le festin va commencer, j'ai même pas mis les couverts. Faut que je calme mon flow de malade, proto t'es ouvert. Je mérite une médaille, je me balade comme un Vancouver. C'est que le début, kiffe la petite démo. Tous les requins veulent me voir, ils veulent m'avoir. Nemo, tu grattes, rageux, t'as du mal à en voir le bout. On a fait des premières parties à des MC plus mauvais que nous. Finis la jouer gangster, cette gangrène je l'enterre. Et quand même ça mène, je l'enferme à l'enterre. Mais je l'interne et j'éteins sa lanterne. C'est l'interne, c'est l'enfer, un expert. Amenez-vous au concert. J'rave des connes, rave des colles. Mes potos t'étonnent, j't'attonne. Grave les gommes, depuis l'époque de la cour de l'école. Efficace les fans, j'tabasse les autres. Je tape le top, dédicace le trône. Et efface les gars qui se prennent pour des boss. Ah ouais, en fait ça kick chez les gosses. Précis comme Bron James, ici j'suis Bron James. Indécis, t'apprécies, mais si j'suis le génie, le Bron James. J'enchaîne les festivals, on dit que j'ai tout pété. Rappelle-moi mon âge, à mon âge, poto où t'étais. On déteste, mais j'pèse trop. Illico presto, j'te dis texto. J'm'entête quand on teste trop. T'empêche la pesto, j'encaisse, j'tape du resto. De cristo cuisto, j'rajoute un zeste de pesto. En studio, j'écoute plus la radio ces temps-ci. Remballe ta clope, ta drogue, je fume que du MC. Regarde les scénarans, ils ne savent que crâner. Le rap c'était mieux avant, avant j'étais pas né. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow et Oli. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flow.